and gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Du nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, prenez les instruments maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, un peu mieux que moi en tout cas. Je sais pas si ça s'entend à travers la radio, mais ma voix est un peu venue presque d'outre-tombe. Ah, c'est vrai que l'hiver est revenu et l'hiver m'a rattrapé. Donc, je sais pas, elle doit avoir pris un petit coup de froid quelque part et... Je suis pas à 100% là aujourd'hui, mais au niveau de la musique, il n'y a pas de souci. On va être là et on va assurer, rassurez-vous. On aura évidemment plein de bonnes choses à vous proposer aujourd'hui, comme chaque premier samedi du mois. Je vous rappelle, nous sommes ensemble de 17h à 18h30 sur les ondes de RGL. Et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur le câble télédistribution, par internet, www.rgl.lu ou www.ilovemusic.gq. Ça, c'est le site de Planète Indie. C'est l'épisode numéro 441 aujourd'hui. Bah oui, ça avance, hein. Ça se rapproche tout doucement du 500e. Bon, une fois par mois, encore 60 mois. Donc, globalement, dans 5 ans, on sera à la 500e de Planète Indie. Alors, qu'est-ce qu'on va vous proposer de bon aujourd'hui? On va écouter The Electric Flea Show. On écoutera Surrender Hill avec un extrait de leur nouvel album. Des nouveautés aussi avec Tobias Bockstrand ou alors Follow the Moth. Et puis on ira faire un petit tour sur le nouvel album aussi de notre ami Brian de High Topus. Ça c'est pour un peu plus tard dans l'émission. On ira faire aussi un petit tour dans le monde de la bande dessinée avec notre bande dessinée du mois. Et puis voilà, on fera un peu le tour des manifestations qui se passent tout près de chez nous. Et ben donc je vous propose sans plus tarder de laisser la place à la musique. Avec tout d'abord Noise Sierra. Boy of a Thousand Tears. Et puis après, extrait du dernier album de notre cher ami Son of the Velvet Rat. Ce sera The Ferris Wheel. Allez, restez avec nous, on est ensemble jusque 18h30 pour le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. C'est parti, mon kiki. Sleep, sleep, baby, sleep. Everything's gonna be okay. Tomorrow we'll find something better. Tomorrow we'll find something new. I want to marry the boy of a thousand tears. Kiss him and hurt him. Make sure that he's alright. He'll never find the peace of mind. He's been crying all his life. And he's gonna cry to the end of time. And I want to marry him. Sleep, sleep, baby, sleep. Rest here in my arms. Come on now and play. close your eyes. Let's just die for tonight. I want to marry the boy of a thousand tears. Kiss him and hug him. Pray sure that he's alright. He'll never find the peace of mind, 'cause he's been crying all his life. He's gonna cry to the end of time. Round and round and round and round and round and round. de Ferris Wheel par le groupe Son of the Velvet Rat. C'est extrait d'un très très bon album intitulé Solitary Company. Oui, j'ai pas pris mes lunettes en plus. Solitary Company, un album qui était sorti l'année dernière. J'avais pensé vous le proposer en powerplay, mais comme on avait déjà découvert Son of the Velvet Rat avec un album précédent, si je me souviens bien, c'était l'album Dorado. J'ai laissé la place à d'autres nouveaux artistes pour cette chronique powerplay. Donc, peut-être qu'un jour, il y en a qui reviendront une deuxième fois à l'honneur. Qui sait. Son of the Velvet Rat, on les aime beaucoup dans cette émission. On va revenir, ils sont californiens, hein. On va revenir du côté de l'Europe et du côté de la Suède avec un groupe pop. Oui, on peut dire pop, qui fait très, très années 80. Le groupe The Search avec Eyes to the Ground, oui, comme vous l'entendez, hein, c'est pas top aujourd'hui. Eyes to the Ground, et puis après le tout nouveau single de Michael Ward with Dogs and Fishes, Highway 61. Tout ça pour nous amener tout doucement vers notre power play du jour qui va nous faire osciller entre l'Australie et la Californie à nouveau, et même New York un petit peu si je me souviens bien. Donc on va voyager pas mal et puis on va peut-être récupérer un peu de soleil dans l'émission. En tout cas, j'espère que la musique vous plaît. N'hésitez pas à nous le faire savoir. Rejoignez-nous sur Facebook, on a un petit groupe sympa. Et il y a pas mal d'artistes qui sont présents aussi. Donc vous pouvez apostropher même directement pour leur faire part de ce que vous pensez de leur musique. Voilà, là on entend les premières notes du groupe The Search, Eyes to the Ground. There is a fire raging inside. Though I keep trying to put it out, senses betray me. The sensory touch doesn't take much. Eyes that lock across the sidewalk. Keep your head cool and focus straight ahead. Never assume, always be prepared. A kill easy fell outside the gates of Troy. Shot with an arrow, betrayed by uncoated tendons. Stationed by a wall and guarded at all costs. It's easier that way, separate yourself from eyes to the ground, counting manholes. Nothing to risk and nothing to lose. Then comes April, changing seasons. Again caught locking eyes. A perfect stranger under robin leaves in the blink of an eye. There's a price to pay for independence. Although it's wonderful, it's bearable forever and ever. An image, a word, a song I once heard. Shut my eyes and let random words. The house and the garden comfortably intact. As long as I'm holed up inside a shack. Then comes April, changing seasons. Again caught locking eyes. A perfect stranger under robin leaves. The blink of an eye. comes April, sheds the old skin, a barren, terrified brick and mortar face. The slightest brush as the wrecking ball rumbles by. This is Andy Palmer, and you're listening to Planet Indie. Hi, I'm Ann Mercer, and you are listening to Planet Indie. Hi, my name is Audra. And I'm Pat. And we're Chaser 8, and you're listening to Planet Indie. So cats is the Abraham, kill me a son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God says you can do what you wanted, but the next time you see me coming, you better run. Is it where you want this killing done? God said on Highway 61. So Georgia sent me out a bloody nose. Junko Pilot wouldn't give him no clothes. He asked for Howard, where can I go? Howard says, only one place I know. Seth said, tell me quick, man, I've got to run. But Howard just pointed with his gun as he dug way down Highway 61. My complexion, she says, is much too white. She says, come here, step into the light. She says, you're right. Let me tell a second mother this is their new love. But the second mother was with the seventh son, and they were both out of Highway 61. Oh, he was keeping score. Everyone who wronged him or did him poor brought him trouble that he couldn't ignore. He said, I've got to wonder what Roy Cohn might have done. Now maybe tie their ankles so they can run. Ah, il n'y a pas à dire, les productions de Michael Ward, ça déménage toujours. Là, c'était la dernière en date, Highway 61. Il est toujours accompagné de ses Dogs and Fishies et j'espère qu'un jour ou l'autre, il va se décider à nous envoyer un album, qu'on puisse aussi lui faire l'honneur de la séquence Powerplay. D'ailleurs, notre coup de cœur Powerplay, il est l'heure d'y passer. Et aujourd'hui, ça, il va nous permettre de découvrir un artiste obstinément indépendant. Un artiste donc qui cadre parfaitement avec le concept de cette émission, je vous rappelle, Planet Indie. Hein, nous sommes ensemble chaque premier samedi du mois. Le nom de l'artiste, Heath Cullen. S'il vit aujourd'hui du côté de Los Angeles, le gaillard est originaire du fin fond de l'Australie, d'un petit village, mais vraiment tout petit, de moins de 1000 âmes. Un village qui s'appelle Candelo, qui se trouve dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud, pratiquement à mi-chemin entre Sydney et Melbourne. Bah oui, on voyage déjà. Hein. L'album mis à l'honneur donc s'intitule Springtime in the Heart. Il s'agit de son quatrième album et tout comme les trois premiers, à savoir A Storm Was Coming But I Didn't Feel Nothing, sorti en 2010, The Still and the Steep en 2013 et Outsiders en 2015, tout comme les trois premiers donc. Celui-ci a été produit de manière indépendante et autonome grâce à une campagne de financement participatif. Un quatrième album aurait dû voir le jour en 2019, mais apparemment, il y a quelque chose qui a mal tourné en cours de route. Le titre de ce disque, Springtime in the Heart, qu'on pourrait traduire en français Le Printemps dans le cœur, bah, le printemps, on repassera. Hein. J'avais espéré pouvoir en parler quand j'ai préparé cette émission, il faisait super beau. Bah, là, on est retourné en arrière 3 mois, hein. On est retourné en plein hiver. Printemps dans le cœur, donc, le titre s'est directement imposé à l'artiste comme une sorte de vision. En effet, pendant son processus créatif, à un moment, il a pris un peu de recul et après avoir aligné côte à côte la petite dizaine de chansons qui étaient pratiquement prêtes, il s'est rendu compte qu'il y avait un point commun qui les reliait toutes ensemble, à savoir une sorte d'optimisme et d'espoir. Et bien de là, il en a tiré donc le titre de cet album qui se veut être le reflet de son état d'esprit à l'époque, une sorte d'antidote contre les mauvaises nouvelles. Le premier extrait donc que je vous propose d'écouter ce soir, enfin cette fin d'après-midi, c'est la dernière plage de l'album. Et bien, comme ça, en plus, ça a l'avantage de ne pas faire mentir le dicton et les derniers seront bien les premiers. Dernière plage donc de l'album. L'album s'intitule Springtime in the Heart, Heath Cullen, et la plage qu'on va écouter s'intitule quant à elle Kill Switch, notre album Powerplay aujourd'hui. Dans cette émission numéro 441 de Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Well, we killed them at the Palace Bay. And we murdered them in Rome. We knocked them all dead, babe. Then we brought it all back home. Coming down. there are those who play for fame. There are still those who only play for the love of the game. Jusqu'au bout, je vous rappelle son nom, Heath Cullen. Il est australien et son album est notre power play dans cette émission numéro 441 de Planète Indie. Je vous ai mis une vidéo sur notre page Facebook et puis on écoutera encore deux autres extraits. On en apprendra beaucoup plus sur lui eh bien, d'ici la fin de cette émission jusque 18h30. Pour l'heure, eh bien, je vous propose de passer en revue la programmation de notre partenaire de la Rocale. Ce soir, eh bien, vous avez une soirée électro-clubbing avec Honey Dijon, ou Dijon, bon, je ne sais pas s'il faut dire à la française ou à l'anglaise, Denis Sulta et Mamiko Moto. Ensuite, vous pouvez voir lundi Amenra et Joe Quayle. Kit Francescoli le mardi, c'est donc ce mardi-ci, il reste encore quelques tickets. Samedi prochain, Postmodern Jukebox, c'est une soirée blues et jazz. Ensuite, on va dans du plus dur avec The Baboon Show le jeudi 14 avril. Dirty Phonics, ce sera le 15, le jour suivant. Le 17, donc c'est dans 15 jours, samedi dans 15. De nouveau de l'électro-clubbing avec Jeff. Le lendemain, c'est un peu plus calme, c'est un peu plus relax, c'est beaucoup plus relax en tout cas avec Alban Ivanov, c'est une soirée humour. Ensuite, nous avons le mercredi 20, le rendez-vous mensuel des membres Rock Lab, donc si ça vous intéresse, c'est pour les artistes et les pros essentiellement. Le thème de ce mois-ci, c'est devenir professionnel à temps plein, comment faire. Le 20 avril, Tiff Barrow. Le 22 avril, The Fifth Game, de nouveau de l'électro-clubbing pour le vendredi soir. JBO, le 23. Le 24, c'est Mousti. Julien Doré, le 28. Ensuite, différent, le spectacle, mais il est déjà sold out, du Lac des Cygnes. Le 29, Vandergraaf Generator, c'est une soirée rock. La soirée consacrée à Ennio Morricone, The Morricone Duel, qui était prévu le 30 avril, est annulé. À la place, vous pouvez voir une soirée consacrée à Queen, The Unique Rock Symphonic Celebration. Le 30 avril, ben, y a pas mal de choses au mois d'avril. Hein. Gianna Nannini, oui, il faut rattraper les concerts qu'ils n'ont pas pu se donner pendant les confinements. Science Meets Music, le 1er mai, et puis Scientist Meet Musician, tout ça c'est des spectacles et des ateliers, en tout cas on va dire, c'est gratuit. Et puis le Edson, on en reparlera un peu plus longuement le vendredi 6 mai, qui nous amène pratiquement à notre prochaine émission qui se déroulera le 7 mai. Je parlais des concerts qui n'ont pas pu se donner, oui, je sais pas si vous étiez dans le même cas que moi, mais moi j'étais très déçu de voir que le concert de Sting a dû être reporté. Je me faisais une joie de le découvrir mardi dernier, et puis clac, catastrophe, lundi soir on annonce qu'il y a des membres de son équipe qui sont atteints du Covid, donc pas de chance, le concert a dû être reporté à une date ultérieure. Voilà, ben, on prendra son mal en patience et puis on attendra la prochaine date donc, pour voir Sting à la Rocale. J'ai pas encore eu l'occasion de le voir et je me faisais donc une joie. Ben, ma joie est reportée à une date ultérieure. Voilà. Pour le retour à la musique avec Surrender Hill, Forgotten Town, mais tout de suite, Tobias Beckstrand, Drifting in the World. Right now. settle down. Each day I wait before the dawn. Wrapped up in a Mexican blanket with a cup of strong black coffee, I watch the sunrise to warm my bones. It's a dusty town, it's a dying town, it's a shattered dream, my forgotten town. It's a dusty town, it's a high noon town, it's a 40 paces turn and draw and shoot you down. Dressed and walk the empty streets to the diner where the locals meet. I tip my hat a few times and smoke a hand-rolled cigarette. The waitress knows me better than most. She reminds me of a love I lost. Her pretty smile leaves me feeling something like. It's a dusty town, it's a dying town, it's a shattered dream, my forgotten town. It's a dusty town, it's a high noon town, it's a 40 paces turn and draw and shoot you down kind of town. Sunday morning, church bells ring, a few lost souls start to sing. Heat of the day is settling in. The morning doves are tired as hell. The diner dog is on the prowl. The preacher's child is drinking whiskey from a tin. It's a dusty town. It's a dying town. It's a shattered dream, my forgotten town. It's a dusty town. It's a high noon town. It's a 40 paces turn and draw and shoot you down. Fidèle à cette émission, eh bien, vous avez probablement comme moi eu les voyants qui s'allument, tous les voyants qui s'allument, parce qu'on vient d'écouter deux candidats des futurs Powerplay à l'instant, Surrender Hill, un morceau intitulé Forgotten Town, extrait d'un fantastique double album qui s'appelle Just Another Honky Tonk in a Quiet Western Town. Et avant cela, là aussi, ça a clignoté dans tous les sens avec Tobias Beckstrand, Drifting in the Wind. Son album, quant à lui, s'appelle, c'est pas grave, on le découvrira plus longuement une prochaine fois, c'est pratiquement du garantie sur mesure. Tout à l'heure, on se quittait avec la programmation de la Rocale, et je vous parlais du concert d'Edson en disant que j'allais en parler un peu plus longuement. Oui, ce sera le 6 mai. Edson, c'est un artiste du Luxembourg qui crée de la musique alternative, rhythm and blues, et qui incorpore dans son spectacle de la danse contemporaine. Eh bien, ça faisait un an qu'il était en résidence au Rock Lab. Eh bien, il va donc se produire pour ses nouvelles productions, donc au Club de la Rocale, le 6 mai, en décembre 2018. En décembre 2018, il avait gagné la récompense d'artiste de l'année pour les débuts des Luxembourg Music Awards. Ça se passait donc à la Rocale. Donc voilà, si vous voulez découvrir cet artiste luxembourgeois qui monte, rendez-vous donc le 6 mai à la Rocale pour le concert d'Edson. À la Culture Fabrique pour ce mois d'avril, ce soir à 20h, vous pourrez voir de la musique hip-hop, rap, voire même pop avec Mal, Garth and Friend. Vendredi prochain, le concert de Goose est annulé. Désolé pour ceux qui avaient pensé aller voir. Annulé aussi le concert de samedi prochain, du 9 avril, le pianiste Federico Albanese. Prochaine étape, ce sera le samedi 16 avril avec Mad, mais ça se passera, attention, au Rotonde. Le mercredi 20 avril, Russian Circles, ils vont avoir du mal à porter leur nom en ce moment. 23 avril à 20h, de la Indie Folk avec Andy Chauve, il n'est pas chauve du tout, avec Elena Deland et Leith Ross en première partie. Et puis le dimanche 24 avril, de Betz, le 30, Out of the Crowd, c'est la 18e édition de ce festival. Et puis ça nous amène au mois de mai avec le retour du festival aussi flamenco. Et ça commencera donc le vendredi 6 mai à 20h avec Zona Acordanada et La Costilla de Rocio. Voilà, le reste, on en parlera un peu plus longuement dans notre émission du mois de mai. Je vous le rappelle, qui se tiendra le 7 mai. C'est un peu plus tard que d'habitude. C'est le premier samedi du mois, le 1er mai, donc un dimanche. Donc ça ramène un peu plus loin. Ça me laisse un peu plus de temps pour préparer cette prochaine émission. Pour l'heure, nous on poursuit avec un morceau très très court de The Electric Flea Show, Other Than That, et puis après cela, on va écouter, c'est à moitié de la musique, c'est à moitié de l'humour, si vous comprenez l'anglais, faites attention les paroles, si vous comprenez l'anglais, c'est vraiment très très amusant, c'est Michael Jonathan, ça fait plusieurs fois que je veux passer ce morceau, la première fois, je vous avoue que je me suis trompé dans la programmation. Le mois dernier, j'ai voulu le remettre et puis on n'a pas eu le temps parce qu'il était placé en fin d'émission. Alors je me suis juré cette émission-ci de vous le passer. Donc je l'ai mis en plein milieu de la programmation pour être sûr qu'il puisse passer. C'est un artiste qui joue du banjo. Vous allez me dire, banjo, c'est quand même pas facile. Non, c'est pas facile tous les jours et pour lui non plus. Et dans ce morceau qui est à la fois donc de l'humour et de la musique, il fait une sorte de compilation des meilleures blagues, c'est de l'autodérision sur le thème du banjo. Donc si vous parlez anglais, faites attention aux paroles, c'est hyper hilarant. Si vous ne comprenez pas l'anglais, patientez quelques minutes le temps que ça passe parce que sinon ça ne va pas être très très, très très extraordinaire pour vous. Allez, tout de suite, The Electric Flea Show, Other Than That. The sun in my life, the moon at my window, a fire in my heart, and a ripple in the pond. For a while after I'm gone, it's all that I want. Here's a song all about my deep devotion and love to the banjo. Yeah, there's a lot of jokes about the banjo. Silver strings are really fun to play. I learned a lot of jokes about the banjo. I try to memorize a new one every day. I admit that the banjo isn't sexy. It makes all the pretty girls run away. I learned a thing or two about the banjo. Like the finest birth control is when you play. Oh, the world is full of jokes about the banjo. Some so bad they leave you in dismay. There's millions of jokes about the banjo. Here's a few to brighten up your day. What's the best way to tune a banjo? Wire cutters. You know, most banjo players spend half their career tuning and the other half playing out of tune. You know the difference between a banjo and a fish? You can tune a fish. How do you know the stage is level, John? Banjo player drools out of both sides of his mouth. What's the difference between a banjo and a yugo? You can tune a yugo. I know, most of you are going, what's a yugo? All the banjo players are going, what's tuning? What's the definition of an optimist? That's a banjo player with a pager. What do you say to a banjo player in a three-piece suit? Will the defendant please rise? Hey, Howard. Yes, Michael. What's the difference between a banjo and a puppy? Eventually, the puppy stops whining. What's the definition of a gentleman? That's someone who knows how to play the banjo, but doesn't. What does a banjo and a lawsuit have in common? Everybody feels better when the case is closed. How do you get a banjo player's eyes to sparkle? You shine a flashlight in his ears. How do you make a banjo player slow down, John? Put sheet music in front of him. Hey, Howard. Yes, Michael. Why are there no banjos in the movie Star Wars? Because it's the future. And finally, my favorite banjo joke of all. What do you call a beautiful woman on the arms of a banjo player? A tattoo. There's a lot of jokes about the banjo. Silver strings are really fun to play. There's millions of jokes about the banjo. I memorize a new one every day. I admit the banjo isn't sexy. It chases all those pretty girls away. But one thing that I've learned about the banjo, the finest birth control is when you play. Well, the world is full of jokes about the banjo. Some so bad they leave you in dismay. There's millions of jokes about the banjo. I hope you enjoyed a few today. Ah oui, ce morceau est excellent. J'espère que vous avez compris ce qu'il racontait, ces blagues sur le banjo. C'est de l'autodérision comme on l'aime. Il explique en gros que le banjo, c'est pas du tout sexy, ça fait fuir les filles. Et donc, il dit, moi, j'essaye de retenir, d'apprendre une nouvelle blague sur le banjo tous les jours et de la retenir. Allez, je vous en donne quelques-unes. Comment est-ce qu'on appelle une jolie fille dans les bras d'un joueur de banjo ? Un tatouage ! Comment faire ralentir un joueur de banjo ? Eh bien, il faut mettre une partition devant lui. Il y en avait plein, je vous les cite de mémoire. Ou alors, qu'est-ce qu'on dit à un joueur de banjo en costume ? Accusé, levez-vous. Voilà, il y en a quelques-unes comme ça. Je vous le repasserai une autre fois et je ferai peut-être l'inventaire des blagues qu'il cite dans ce morceau. C'est vraiment de l'autodérision à 100%. Et puis, il dit aussi, le banjo, c'est le meilleur outil de contraception ou de contrôle des naissances parce qu'effectivement... Il dit que c'est pas sexy du tout. Pour un joueur de banjo, il fait bien sa promotion. Allez, 17h54, on n'est pas de nouveau en avance. Il est temps de retourner sur notre album Springtime in the Heart, l'album avec lequel nous faisons plus ample connaissance ce mois-ci. Je vous ai dit tout à l'heure que son auteur Heath Cullen était farouchement indépendant. Il aime marquer sa différence sans nécessairement se conformer à ce que l'on est censé faire de telle ou telle façon. Par exemple, alors que la plupart des artistes enregistrent beaucoup de prises pour chaque morceau, lui, il se contente en général de la première, voire dans certains cas, il se paye le luxe d'en enregistrer une deuxième. Du coup, il lui a fallu que 3 jours pour enregistrer les 10 morceaux de cet album. Réussir ce genre de performance implique bien évidemment de s'entourer de musiciens de talent. Et cela permet d'inclure la spontanéité dans le processus créatif. Spontanéité qui naît et se forme, c'est sa théorie en tout cas, de la rencontre et du plaisir de jouer ensemble. Pour lui, se retrouver en studio, c'est comme avoir une conversation. Et au plus on joue et rejoue un morceau, plus grandes sont les chances que cette conversation devienne au final codifiée, voire écrite à l'avance. Et c'est précisément ce que Cullen veut éviter. Du coup, non seulement il travaille rapidement avec ses musiciens, mais en plus, il ne leur laisse pas beaucoup de temps pour se préparer. Il leur a envoyé les démos une bonne semaine avant que tout le monde ne se retrouve en studio, mais ces démos ne contenaient pratiquement aucune instruction. C'était simplement Cullen et sa guitare. Liberté était laissée à chaque musicien d'écrire et de proposer sa propre interprétation de ses parties. Petite anecdote allant dans ce sens, pour son album précédent, Outsiders, il avait réservé les sessions et le studio d'enregistrement alors qu'il n'avait encore aucune chanson en main. Donc c'est dire que le gaillard, il est sûr de son processus créatif. Je vous propose donc de vous rendre compte et de juger sur pièce le résultat de ce processus avec notre second extrait. Pour aujourd'hui, ce sera le morceau Song That I Know. Je vous ai mis aussi... la vidéo du morceau Springtime in the Heart, je vous dis tout de suite, ce sera le troisième morceau qu'on écoutera tout à l'heure en fin d'émission. C'est la plage donc titulaire de cet album. Je vous en ai donc mis la vidéo sur notre groupe Facebook. Pour l'heure, on écoute Song That I Know. C'est le second extrait de notre powerplay, extrait de l'album de Heath Cullen, Springtime in the Heart. Powerplay. Powerplay. I bring in the mail, climb up a tree to hang out my clothes, and I've hidden a key that might let you in, and then out beyond me. As ever the weather may climb, your choir of souvenir carnival toys, they shake me awake with a deafening noise of silence that speaks like the end of my voice. when the song I know leaves me behind. My horses refuse all this work without pay. I plied them with beads and I gambled that they knew nothing of how we live free. Oh, I've worn this cape since the dawning of time, since long before Easter put blood in our wine. Still at the station, they keep me in line, and the song I know sings without me. From the river below, with the fire that they made in their hats as they go, fuming and seizing the day. Oh, I know that rarely we find our way home, for winners get taken apart in their rooms as cities burn down. The song that I know carries on. Oh, moins calme que Michael Cullen, que His Cullen, pardon. Une nouveauté avec Follow the Moth, I Was Good to Her. Avant de poursuivre avec une autre nouveauté, je vous annonce aussi que demain, à Neumünster, vous aurez le traditionnel concert apéro jazz avec le groupe Orlando, un groupe belge lauréat de l'Octave de la musique 2021 comme meilleur groupe de jazz belge. Donc c'est demain à Neumünster. Et puis, si vous êtes artiste, il y a un appel à candidature pour une résidence d'artiste de Sound of Data, Science Meets Music. On en a parlé tout à l'heure dans la programmation, si je me souviens bien. C'est le Centre de musique amplifiée Rocal qui lance un appel à candidature à destination des musiciens luxembourgeois ou résidents pour un programme de résidence d'artiste dans le cadre de The Sound of Data Science Meets Music. L'appel s'adresse aux artistes souhaitant explorer des manières nouvelles et innovantes de composer de la musique en utilisant la sonification de données. La résidence composée de masterclass, d'ateliers, de sessions et de production musicale aura lieu de mai à novembre 2022 au Rock Lab et sera couronnée par un concert sur la scène de la Rocale aux côtés des artistes internationaux Max Cooper et Dr Valérie Vermeulen le 3 décembre 2022. Si vous êtes intéressé, vous avez jusqu'au 6 mai pour postuler. Vous retrouvez toutes les informations sur thesoundofdata.lu. Pour l'heure, une autre nouveauté, Brian Hughes, notre ami de chez de Aetopus, eh bien, il revient avec un nouvel album que je devrais recevoir sous peu. Et là, on a un premier extrait qui s'intitule Ratuk. Je ne sais pas si je prononce correctement, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'écrit. Aetopus, Ratuk, et puis après cela, eh bien, on ira dans le monde merveilleux et fantastique de la bande dessinée. Hey, what's up? This is Jupiter and Velvet coming at ya on Planet Indie. Greetings, this is Brian Toole Hughes of Aetopus, and you are listening to Planet Indie. Thank you. bien planant à la musique d'Aitopus, Brian Tewell Hughes. Nouveau morceau qui annonce un nouvel album. Ce morceau s'intitule Ratouk. On vous parlera bien entendu plus longuement de l'album dès que j'aurai eu le temps de le recevoir et de l'écouter, ce qui ne saurait tarder. Pour l'heure, 18h11, nous partons dans le monde donc de la BD avec une BD qui s'appelle Noir Burlesque. En tout cas, le premier volume, il y en aura deux. C'est une BD de Marini. Le résumé est celui-ci. Terry Cole, alias Slick, un truand sans peur, adepte du coup de poing, vient apurer la dette de son ex-beau-frère vis-à-vis de Rex Cador, mafieux, propriétaire d'un club de striptease. Alors que les deux hommes ne parviennent pas à tomber d'accord sur le montant dû et que Slick, par souci d'indépendance, refuse de bosser pour ce patron, il recroise Debbie avec qui il a eu une relation dans le passé. Se faisant désormais appeler Caprice, elle est plus éblouissante que jamais. Après Paris et Las Vegas, c'est Philadelphie qu'elle s'apprête à conquérir, aidée de Rex qu'elle doit bientôt épouser. Cependant, aucun des deux n'a oublié ses sentiments qui remontent à la surface. Plutôt que de suivre sagement leurs chemins respectifs, les amants se rapprochent à nouveau dangereusement, ce qui n'a pas l'heure de plaire au caïd. Bien décidé à se faire respecter et à faire payer très cher à Slick cette intrusion dans ce qu'il considère comme sa propriété privée, il lance ses sbires aux trousses de ce dernier, mais avant toute issue définitive, il veut récupérer son blé. Après avoir éliminé l'un des hommes de main de Rex, Slick est abordé par Connolly, un policier qui cherche à faire tomber le gangster et compte sur son aide pour y parvenir. Ça, c'était le résumé. Mon appréciation, je dirais que quels que soient les clichés qui viennent à l'esprit lorsqu'on évoque l'expression « polar noir », soyez assurés de les rencontrer dans ce premier volume. D'ailleurs, il ne faut pas chercher plus loin que la couverture pour être directement plongé dans le bain. Retour dans les années 50, période faste pour le genre. On en retrouve tous les ingrédients. Des malfrats patibulaires qui s'habillent en costume, mais même pour les sales besognes. Des pin-up aux courbes affriolantes qui s'ébattent dans des baignoires de champagne sur la scène d'un cabaret aux mains de la pègre. Un flic plus ou moins intègre qui utilise des méthodes peu orthodoxes, une histoire d'argent, de trahison, de vengeance, de sentiments plus louches que nets. Le scénario est sans surprise, ce qui ne signifie pas désagréable ou lent. Au contraire, il ne faut juste pas s'attendre à une révolution du style. Les dialogues minimalistes et le recours à certains cadrages cinématographiques avec peu de vignettes, jusqu'à en avoir certaines en double page, donnent l'impression, et pas que l'impression d'ailleurs, d'avancer très rapidement dans le récit. Pour prolonger un peu le temps de lecture, pourquoi ne pas s'attarder sur les dessins et s'en mettre plein les yeux? Outre les voitures de collection, on ne regardera pas à la dépense oculaire en jetant des œillades à la belle et sulfureuse Caprice. Le style graphique ne privilégie pas les détails, mais soigne les atmosphères. L'effet rétro est renforcé par le choix des couleurs, noir et blanc évidemment, agrémenté d'inserts rouges, soulignant ici ou là l'un ou l'autre élément, comme la chevelure, la robe ou les lèvres des femmes fatales, la carrosserie des automobiles et bien évidemment les épanchements sanguins, résultat de l'emploi lors des nombreuses rixes de toute une panoplie variée d'instruments les plus divers, armes blanches, mains nues, mitraillettes, revolvers, etc. On en passe et on en passe. En conclusion, qui n'aime pas se replonger dans un bon vieux polar sombre, même en connaissant à l'avance les différents ressorts? Si le thème et l'intrigue sont éculés, cela est pleinement assumé par l'auteur qui a placé son histoire dans la société patriarcale américaine telle qu'elle était à l'époque, plutôt que chercher à se conformer à la morale actuelle. Il tire parti au maximum du déjà vu, qu'il met plaisamment en valeur dans un emballage sexy surfant sur la fascination qu'a toujours engendré ce monde interlope, règne de l'insouciance promise par les flots de l'argent facile, noir burlesque, ou quand le 9e art reprend les codes du 7e. Je vais vous mettre cette petite conclusion dans notre groupe Facebook ainsi que la couverture de cet album, un album sorti en novembre chez Dargo. La fiche de lecture complète, elle sera disponible sur notre site internet www.ilovemusic.gq. Et puis pour rester dans le monde de la BD, en mai, Guy Lefranc fête ses 70 ans. On parlait de voiture à l'instant. Il y a une exposition... il y a un livre qui va sortir qui s'appelle justement « Les voitures de Lefranc ». Ce livre thématique offre un point de vue original, illustré de planches cultes et d'illustrations inédites sur l'univers de Guy Lefranc et l'œuvre de Jacques Martin. Sa date de parution, ce sera le 18 mai, donc c'est très bientôt, 112 pages pour le prix de 25 euros.

jusqu'à la dernière note cette interprétation d'Irène du morceau « Io ti penso amore ». Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Je vais donc retourner sur l'album de Heskelen, album qui s'intitule « Springtime in the Heart ». Eh bien, on va retourner maintenant sur cet album. C'est le quatrième de l'artiste, le premier depuis 5 ans. Pendant tout ce temps, eh bien, quand il n'était pas coincé comme nous par l'épidémie, il était en tournée essentiellement dans son Australie natale et aux États-Unis, ce qui lui a permis aussi de rencontrer pas mal de gens, notamment son désormais ami et producteur Joe Henry, avec qui il avait déjà collaboré pour l'album précédent Outsiders. Ce dernier, M. Henry, entre-temps, a traversé aussi pas mal de péripéties puisqu'il s'est vu diagnostiquer un cancer de stade 4 pour lequel il se trouve actuellement en rémission. Du coup, il a pu reprendre du service pour aider son ami. Joe Henry, eh bien, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est pas n'importe qui. Il a reçu 3 Grammy Awards. En 2002, le Best Contemporary Blues Album pour Don't Give Up On Me. En 2009, Best Traditional Blues Album pour A Stranger Here. Et en 2010, donc Best Traditional Folk Album pour Genuine Negro Jig. Et puis le gaillard a un imposant carnet d'adresses, d'autant plus qu'il est marié à Melanie Ciccone. Est-ce que ce nom ne fait pas un petit tilt chez vous? Allez, je vous donne un indice. Louise Ciccone. Mais oui, on se rapproche. Louise Ciccone, c'est Madonna. Et donc Melanie Ciccone n'est rien de moins que sa sœur. Eh ben, ça nous fait que Joe Henry, il est le beau-frère de Madonna. Du coup, ça ouvre évidemment certaines portes. Il a d'ailleurs coécrit des morceaux avec Billy Bragg, avec Rose Allison, Roseanne Cash et bien sûr Madonna. Une chose est sûre, Heskelen est heureux là où il est. Bien sûr, comme chaque artiste, il lui arrive d'avoir des doutes à certains moments. Mais ce dont il ne doute jamais, c'est qu'il a fait ce qu'il désire faire, même si ce n'est pas toujours facile d'un point de vue financier. Même quand il donne des cours de guitare afin de pouvoir payer ses musiciens, même si c'est un monde passionnant dans lequel on vit actuellement et que les nouveaux outils facilitent par certains côtés la vie de l'artiste, de l'autre, eh bien, il façonne aussi les mentalités. Et beaucoup de gens considèrent que la musique doit être gratuite, donc c'est pas facile effectivement quand on est un artiste pour gagner un peu de pépette. Encore quelques mots pour terminer avec Heskelen. Juste pour signaler que cet album a été enregistré avec le groupe légendaire du non moins légendaire Elvis Costello, The Impostors. Mais je le signale parce que c'est la toute première fois en 35 ans d'existence que ce groupe avait à jouer avec quelqu'un d'autre que Mr. Costello. Donc on peut dire que Heskelen, il a trouvé les bons arguments pour s'assurer de leur collaboration. Eh bien, je vous propose d'écouter la plage titulaire de l'album, Springtime in the Heart. Je vous ai mis la vidéo sur notre groupe Facebook. Rejoignez-nous sur Facebook, ça nous fera plaisir aussi. C'est avec ce morceau qu'on va se quitter pour cet épisode numéro 441. J'espère que vous avez apprécié la programmation musicale. Désolé pour la voix un peu nasillarde, mais l'hiver étant revenu, je me suis laissé avoir. Voilà, retour des directs de Planet Indie le 7 mai pour l'émission numéro 442. Prochaine émission en français samedi prochain aux mêmes heures. Et puis vous retrouverez le podcast de cette émission dès ce soir, normalement si tout va bien, sur notre site internet www.ilovemusic.ga. Voilà, d'ici là, passez une bonne soirée, un bon week-end et à très très bientôt. Power play. If you would like your tree to bear the sweetest of its fruits, then you must never carelessly throw salt upon the roots. I spend my Sundays chopping wood and tending to the hearth. It's snowing on the mountains, but it's springtime in the heart. And if you hope that others might show kindness unto you, it pays to show to others such a simple kindness too. I spend my money in the town and then I will depart. Autumn leaves drift by my window, but it's springtime in the heart. We fight to keep from drowning in the memory of our blood, but what's the use pretending if you can't contain the flood? We fight to keep from burning in the heat of our desire. what's the use pretending if you can't contain the fire? Tourists in the square, tourists in our secret places, fucking tourists everywhere. I'd send you my best wishes, but I don't know where to start. There's a frost upon the meadow, but it's springtime in my heart. There's never been a better time for love. Now don't forget, humanity is not a crime, at least it isn't yet. I've spent a lifetime getting by, I've made of it an art. It's winter in the heartland, but it's springtime in the heart. The skies are all a feather, and all the birdies sing. The waiting in the weather, well, it doesn't mean a thing. We wander through the wilderness, lay concrete on our tracks. But the wilderness will not be tamed, weeds claim the cracks. And how far will this go, my dear, before we make it stop? They're selling poison by the river, still we drink up every drop. I spend my Sundays chopping wood and tending to the hearth. It's winter in the heartland, but it's springtime in the heartland.